Le premier ministre coréen Park Bong-joon s'est enquis sur place de l'état culturel de la province du Pyongan du Sud. Il a fait le tour de diverses fermes coopératives animées pour la récolte et le battage pour encourager les agriculteurs et pris des mesures pour la fourniture suffisante des machines agricoles et des pièces de rechange nécessaires aux travaux aratoires par des unités concernées. Précédemment, le Premier ministre a inspecté l'Institut de l'énergie naturelle de l'Académie nationale des sciences et les 13e exposés et exhibitions de nanotechnologie du pays et pris des mesures pour hausser encore plus le rôle des scientifiques et techniciens.